mes frères. Parqué, piétiné par les tuniques bleues. Faut que ça s'arrête. La réalité, la réalité, la réalité, la réalité. Mes frères. Parqué, piétiné par les tuniques bleues. Faut que ça s'arrête. La réalité, la réalité. L'homme a peur. Je suis verbalement nerveux dans les vers que je balance. Verse la France, le sexe, argent dans mes textes, ça rentre dans les thèses. On rêve du VR de Pascal, d'une brève escalade au sommet. Dans la ruette des modèles et briser l'esclavage moderne. Les jeunes désertent la vie active, dînes et rangent les armes et savent que leur avenir est dans les billets de banque. C'est le revers de la médaille, refrait. S'il fallait le refaire, on le referait. Parce que c'est dur quand t'as pas les yeux verts. Antipathique, haine télépathique, guerre mentale, pas de scandale, faut pas que les nerfs craquent. Guerre froide, extradition, le con déconne sa mission. Le non-respect de ta religion et tes traditions, t'es plus bactère. Bon à crever dans un charter. T'étonnes pas si personne pleure quand l'un des leurs se tranche les artères. On va pas refaire le monde ni faire le monde. Alors on vise nos mots pour que ça nourrisse nos mots, mais que ça profite aux nôtres. Mes frères, parqués, piétinés par les tuniques bleues. Faut que ça s'arrête. La réalité, la réalité. L'homme a peur. Faut être clair, voyant. Mes frères, parqués, piétinés par les tuniques bleues. Faut que ça s'arrête. La réalité. A peur. Ça tombe sous le sens, j'suis né pour crever. J'suis pas dans le bon sens, de la délinquance j'ai le brevet. Mais j'ai envie de croire comme un chrétien au Christ. Vivre d'espoir contre un destin trop triste où on brise les lois. On brise les lois du silence pour s'exprimer. Tu sais, crimer est une science, alors laisse briller les chaînes du ciment. Y'a que des héros politiques, j'suis des Caraïbes, ça veut dire cannibale. J'me sens rejeté comme un séropositif. J'suis le fléau lyrical du gouvernement, nécro-typical. BO de la chienne de ville, mais quand cynique marre. Anti-flic zélé, la terreur pour mes rapsa et nécrologiques. Qui est nos places dans les rubriques nécrologiques. Mais on rappe nos rêves, et j'parle aux frères qui ont plus de vices dans la peau que je dérime dans ma prose. De crime dans une vie parose en temps de crise. D'enfance grise aux prises avec la justice qui nous nique en France. Nous nique en France. Mes frères, parqués, piétinés par les tuniques bleues. Faut que ça s'arrête. La réalité, la réalité. L'homme a peur. Faut être clair, voyant. Mes frères, parqués, piétinés par les tuniques bleues. Faut que ça s'arrête. La réalité. A peur. Marre d'être en marge et de marcher la tête basse. Faites place. Les gens de couleur n'avalent plus la couleuvre. On avance pour faire face à l'ennemi. Tu le sais maintenant qu'on t'a averti. Tu crois que les miens sont à ta merci. Les temps changent, on enclenche le processus de vengeance. On plan d'attaque, un rap qui cogne comme sans cop, armé de 100 matraques. Assoiffé du sang de ma race, mais sache qu'aucun barrage n'arrête un paria. Est-ce que tu ressens ma rage de vivre la sincérité du message que je livre? Toute cette agressivité à chaque fois que je vise un collabo ou un franchouillard fasciste. C'est un mano à mano contre un pantouflard raciste. Je suis fatigué des clichés et des idées reçues. Ma créativité, je suis prêt à miser dessus quoi qu'il arrive. Je manie la rime comme un pistolero. Et je flingue car il s'agit de faire justice aux héros noirs comme Malcolm.